comédie. Jamais crié m'aider. J'parle pas, j'dis rien, mais n'oublie pas qui tu étais. Appelle-moi Enrico, à Paris j'en invito. J'aime pas les mythos, tu pas la bite. J'aime pas les BDH qui traînent avec l'autre parce que l'autre a du cash. Mais ils auront mes cash, ouais, moi j'te le dis cash. Tu vas manger ma gauche, j'vais te refaire le visage. On m'a dit que ça parle de moi, que ça parle de lui et elle. Les murs ont des oreilles dans nos ruelles. T'es jaloux, c'est réel, pourtant je joue pas au réel. Hein? Et si je me venge, c'est parce que tu le vaux bien comme L'Oréal. Il me reste 1%, j'ai plus de batterie. Je suis moins derrière les gens, j'évite les bactéries. Chacun ses intérêts, chacun veut sa terrasse. Chacun veut son terrain, y'a que les billets qui intéressent. Bah, bah, bah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, bah, bah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a, mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'il y a. J'crois que dans la t'as trop skié. Mais t'esquive, gauche droite t'esquive. On a trop de style, quand j'rappe un petit j'kille. J'évite les potes bâtards, ce qui veulent te mettre à terre. J'suis loin de faire la star, loin de faire le gangster. J'vois le monde changer, à croire que c'est un rêve. J'pourrais sortir un CRF, faire rentrer tous les CRS. J'ai plus le papier rose, mais en cachette j'prends le RS. Et ils partaient trop du cul, la MG Mercedes. J'ai vu leur manège et j'ai senti leur malaise. Leur rap c'est mon toutou, mes défauts obligés d'y mettre la laisse. Et chante ma tristesse, ouais, comme chez Pralette. Toujours pas de palace, big up parce qu'ils portent des palettes. Tu vois là, j'me balade et j'me sens plutôt à l'aise. Et tu te sens plutôt balèze. J'enroule un petit, j'mélange shit et tabac. Si t'as pas de cœur, tu n'auras pas ce que t'as pas. J'ai pas d'embrouille, j'suis gentil à la base. J'peux rapper sur du funk, même du jazz. J'fais pas la pute, jamais j'garoffe. Et j'me cache pas, même bocalof. Tu vois bien, mais c'est pas rose. C'est pas rose, mais c'est pas grave, jamais en grève. Viens, on fait la photo, l'autographe. Plutôt c'est grave, ça jalouse de mon orthographe. Mais bon, bref, lève ton verre. Et si t'es dans la zone, lève ton R, mets la gomme. Mets la famille à l'abri, j'ai pas compté tout ce qu'on m'a pris. Dans la vie, faut faire des tris quand ta tête est mise à prix. Dans le quartier, mon moteur crie vers le bloc de mes pneus crises. En freestyle, des codes, je brise. De là, j'rappe, j'suis en pleine crise. Un soin, tu fils de, j'fais pas la fiesta. J'pisse pas ta sista, tu le best. Ça te rembourse ta test tank. Drôle de destin, moi tout va bien pour l'instant. J'passe un crap vers l'instac. J'ai voulu me racheter un stunt. J'ai vite oublié, fallait que je reprenne un stud parce que cette année, faut encore tout plier. T'es fort, mais t'es pas sérieux pour faire des billets. Ta grenade, elle sert à rien si tu l'as pas découpillée. Faut les maths pendant que j'écris. Sachez que j'écoute tout ce que ça me dit pour vous, j'ai du mépris. Allez, andale, vos avis, je m'en balais. Vous faites que la vallée. Laissez-moi travailler. All eyes on me for me. À cause de vous, je fais de l'insomnie. Je vis comme un zombie, zombie. Big up, les gens en condi. Ça me rappelle ma galère quand je vois le Capri Sun. C'est un bon Capri, ça me rappelle mes capriceux. Hein? Allez, andale, vos avis, je m'en balais. Vous faites cavaler. Laissez-moi travailler. Allez, andale, vos avis, je m'en balais. Vous faites cavaler. Laissez-moi travailler. Et c'est pour ceux qui te lâchent pas en cas de coup dur. Sur le cœur, j'ai 135 points de suture. Ouais, je fais pas ça pour le baisse, pas ça pour les sous, ni pour faire des showcases. Si je veux demain, je quitte tout. Pour l'instant, j'ai nique tout. Tant que je peux, je trop vite, salope. Faut plus que je fréquente. Ouais, je sais que je l'ai en deux. Je sais que je l'ai en deux. Ok, chante, mais jamais je me vante. Je fais des sons, je m'en bats les couilles. J'appelle tout le monde le sang. Ça m'a blessé, je suis plus le même. Et ça, tout le monde le sent. Je reste sincère. La célébrité, j'étais le même sans ça. Ça, j'ai sorti ma famille de la merde. Hein, j'ai fait 2-3 voyages, tu vois, je veux dire rien sans ça. C'est pour niquer des mères, je fume pas le matin et je bois pas de CNCO. H24 aussi. Je vois passer les stupes, je vois passer des types chelous et j'en fais des tubes. Tic tic bra bra, je fais des dégâts. Si tu comptes faire le lâche, je me sers pas dans tes bra bra. Marseille c'est comme un aimant, c'est chaud, c'est Hamza. Que des talents cachés et des futurs joueurs du Barça. Certains croient plus en moi, leur obligé, je crame ça. Elle élève ses enfants toute seule, c'est une femme ça. Je me les suis gelé, ça m'a mis les gènes en gelée. Pourquoi envier les autres pour l'argent alors que je l'ai? T'as vu la cédule, mais un peu renouvelé. Tu parles de comme si c'était je sais pas qui, vas-y tu peux les. J'viens, j'nique tout, je repars. Je restais le même depuis le départ. Je t'en m'appellerai de foutre des stars. Attends 2 secondes, tu tires de jeu mes stars. Quand je braque le game, s'il te plaît, reste à terre. C'est le retour de l'extraterrestre. Tu veux me tester dans tes rêves? Moi je sais que je te dérange. Vends le sommet, je me dirige. J'en ai succès, ça me démange. J'vois le temps de colmater. Gros calmaté, je fais pas de karaté. Mais je connais des mecs qui peuvent te karaté. Karaté, plein de sous, j'ai raté. J'ai vidé ma taille sur mon canapé. Quand c'était la D, j'en ai épaté. Quand je rappe, te sens pas viser. Si c'est pas toi, chacun sait ce qu'il a fait. Mais à qui la faute? J'suis le corps balafré. Je me délivre à la vraie, j'en plus les couilles, j'ai mal après. Non, pas de maladresse, l'équipe faut pas m'idolâtrer. Fais gaffe, ça peut vite effacer comme cette phrase à la craie. Fais gaffe, donne pas d'infos, même s'il y a des sous à la clé. Le son, il n'est pas sorti, donc se plaire et de snapper. J'mets les lunettes. Comme le prof dans la casa des papels. Mon frérot, je n'ai jamais là où je n'ai pas pied. C'est le retour de Jules, ouais mon frérot, n'aie pas peur.